bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom. Bonjour à tous, vous êtes dans l'émission Portrait Civique, l'émission qui est tous les mercredis, qui vous dresse donc un portrait de jeunes en service civique. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Sébastien Poirot de la compagnie Le Plateau Ivre. Bonjour Sébastien. Bonjour à tous. Alors, présente-toi peut-être un petit peu aux auditeurs. Alors voilà, moi je suis Sébastien Poirot, j'ai rejoint le Plateau Ivre, la compagnie de théâtre implantée à Vanier en septembre 2017, voilà, dans le cadre du service civique. Je venais de sortir de 5 ans d'études au Conservatoire National du Grand Nancy en section théâtre et voilà, alors, à peu près dans le début, voilà. Donc 5 ans d'études, ça te fait quoi, 24 ans, 25 ans? Je suis sur ma 24e année là. D'accord, donc c'était les derniers moments pour faire un service civique. C'est ça, ouais, c'est ça. Et je connaissais déjà Morgane Demand qui a rejoint la compagnie un an avant et avec qui j'ai fait mes études au conservatoire. Et c'est elle qui a proposé à Hélène Tisserand et Pierre Ripaturel, les cofondateurs du Plateau Ivre, mes services. Et du coup, je me suis trouvé très heureux tout de suite en sortant d'études de trouver une structure qui m'accueille avec enthousiasme. Est-ce que pour toi c'est une sorte de tremplin pour l'après-étude, trouver un boulot dans le théâtre ? Clairement. Alors pour trouver du boulot, je ne sais pas parce que c'est toujours un secteur assez compliqué à ce niveau-là. Mais là déjà, pour les mois que j'ai fait, j'ai appris de nombreuses choses que je n'avais pas appris au conservatoire. Si vous voulez, au conservatoire, on vous apprend avant tout la pratique artistique. On vient, on joue, on repart et voilà. Sauf qu'on n'est pas du tout au courant de la réalité du terrain et qu'est-ce que c'est de gérer une structure, une compagnie et qu'est-ce que ça implique de faire une création artistique, un spectacle vivant. Dans tout ce qu'est l'organisation, le temps que ça prépare, ça va de la découverte du texte à des moyens de financement pour pouvoir le mettre en avant, et puis après trouver des gens qui sont intéressés. Donc voilà, c'est toutes ces constructions-là autour du spectacle vivant et d'événements qui sont très instructives dans ce service civique. Parce que toi, tu voudrais être comédien, c'est ça ? Mon but, c'est d'être comédien, oui. Et là, nous avons déjà, à Nancy, moi et d'autres amis du conservatoire, créé une compagnie de théâtre, notre propre compagnie de théâtre, qui s'appelle la Compagnie Logos, qu'on avait déjà créé il y a 4 ans, mais qui a été en pause parce que avec les études et les trajectoires de chacun. À l'époque-là, on avait déjà présenté une pièce d'une heure, un monologue, voilà. Et aujourd'hui, on s'est tous relancés dedans pour pouvoir créer nos propres spectacles et pouvoir jouer à l'intérieur surtout. Parce que oui, mon parcours, c'est vraiment d'être comédien dans l'idée. Alors du coup, tu es en service civique au Plateau Ivre et tu continues donc ce projet personnel en parallèle, Logos, c'est ça ? Voilà, oui, c'est ça, en parallèle. Et c'est pas trop dur de jongler un peu entre les deux ? C'est une question d'organisation, ça demande une grosse implication de toute façon dans les deux, voilà. Pour le Plateau Ivre, on a plusieurs choses qui sont en route constamment, et en particulier en ce moment. Et pour la compagnie Logos, on a aussi deux projets qui ont des dates de prévues. Voilà, ça demande un certain travail et une certaine organisation, en fait, tout simplement. Combien d'heures de tu as dans ton service civique par semaine ? C'est 24 heures. 24 heures. Voilà, ça va de 24 à 35 heures en fait. D'accord. Voilà. Tu as d'autres projets en parallèle du coup, à part la compagnie Logos ? On concentre tous nos projets sur cette compagnie en fait. Moi j'ai. Je sais que. On ouvre pour le spectacle, donc les pièces de théâtre. On a ouvert aussi un pôle audiovisuel avec lequel un très bon ami à moi, on écrit des scénarios de courts-métrages pour l'instant pour pouvoir aussi aller s'implanter dans l'univers là. Mais voilà, je concentre vraiment mon énergie sur ces deux choses-là pour l'instant qui en demandent déjà pas mal en fait. Ton service civique, ça dure jusqu'à quand ? Tu m'as dit que ça a commencé donc en septembre ? Au septembre et c'est de 12 mois, c'est jusque septembre prochain. toute une saison, donc... Ouais, c'est ce qui me permet de suivre toute une année, en fait, parce que pour le plateau ivre, il y a plusieurs mouvements dans l'année. Il y a des ateliers déjà de théâtre proposés par les enfants et les adultes tous les soirs, durant toute l'année, auxquels je suis assistant professeur, on va dire. Et il y a plusieurs choses. Il y a les équinoxes qu'organise le plateau ivre, qui sont des moments de rencontre entre professionnels et amateurs autour d'une création théâtrale. Qui se passe en automne et au printemps. Nous sommes en plein tournée théâtre au coin du feu, où en fait on propose une forme qui là se trouve être case départ, une pièce écrite par Pierre-Marie et Hélène, qui propose de en fait venir jouer la pièce chez l'habitant, en fait, directement chez l'habitant, mais aussi vers des plus grosses structures qui voudraient nous inviter, voilà. Et ensuite, nous avons au mois de mai Mets en scène, qui est pareil, une création pour cette rencontre-là. Et évidemment, le Théâtre de Verdure en été, le festival du plateau ivre, qui accueille plusieurs troupes et plusieurs formes du spectacle vivant pendant toute une saison. Du coup, rester une année, ça te permet vraiment de participer à tous ces projets, en fait ? À y participer, oui, et comme je disais avant, avoir aussi tout le processus qu'il y a pour accompagner ces projets, parce qu'évidemment, ils ne commencent pas, pour le plateau ivre et pour nous, ça ne commence pas à la date de la première, en fait. Il y a des semaines et des semaines de préparation, de réflexion, et puis de mise en place avant, et c'est quelque chose que je trouve très très intéressant, et auquel je suis content d'être impliqué, justement, directement en sortie d'études, quoi. Qui confronte à une réalité de terrain, en fait, auquel j'étais pas du tout conscient avant. Parce que du coup, tu t'impliques vraiment dans tous les projets du plateau ivre ? Je m'implique dans tous les projets, oui, à plus ou moins grosse échelle, évidemment. J'ai commencé l'année avec les ateliers, du coup, théâtre pour adultes et enfants. Ils ont leur grosse production, leur grosse création Burnout, d'après le texte de Vadea, auquel Hélène et Pierre-Marie sont comédiens, et moi je me suis chargé de m'occuper avec une autre personne de la diffusion du spectacle, donc appeler les théâtres, appeler les différentes structures qui pourraient accueillir ces spectacles, leur envoyer le dossier de diffusion, etc., etc. Et rien que ça, effectivement, c'est une chose où je ne savais pas, on m'aurait demandé avant, comment tu fais pour vendre ton spectacle ? Je n'avais aucune idée concrètement de la démarche à faire. Donc voilà, je me suis occupé de ça. Et pour tous les événements, oui, j'ai une implication de toute façon dedans. Ça reste donc beaucoup de communication, diffusion, aide à intégrer un petit peu les projets. C'est ça autour C'est du soutien au projet. Mon poste, clairement, c'est soutien au projet. Donc ça peut être tous les projets. Et voilà, c'est une aide aussi bien technique que de réflexion autour de ces projets. Et j'ai eu la chance aussi, et je remercie de la confiance qu'ils m'ont fait en rentrée, c'est que pendant leur tournée au coin du feu, c'est une double distribution qui à ce départ était jouée avant par Hélène et Pierre-Marie, et aujourd'hui on est en double distribution, on joue, ils jouent de temps en temps nous aussi, et donc nous, Morgane Demand et moi-même, avons repris la pièce pour jouer aussi. Donc même en tant que comédien, je retrouve ce qui fait... Ce qui représente mon parcours, quoi, mes projets de comédien en tout cas. Et quand tu dis être technique, en fait, ça consiste en quoi ? C'est est-ce que tu gères un petit peu de la prise de son, de la lumière, un peu des choses comme ça, ou pas du tout ? Non, je suis pas vraiment là-dessus. Après, ce qui est très bien dans les projets du plateau ivre, c'est que je peux avoir vraiment le loisir de toucher à tout, là. Pour le spectacle Case Départ, je m'occupe pas seulement de jouer. Quand on est sur place, il y a aussi montage du décor, réglage des lumières, du son, etc. Donc ça demande vraiment de s'impliquer dans la forme en général. Après, mon poste n'a jamais été que de faire du son ou de la lumière. Niveau technique, non, ça je ne fais pas. J'entendais technique plutôt par tout ce qui est administratif déjà aussi pour aider et récemment aussi j'ai aidé j'ai construit un teaser pour un spectacle du plateau ivre afin de le diffuser. Et ça c'est des choses que tu avais un petit peu vues à l'école, ce genre de choses, faire le teaser ou et du coup enfin quand tu parlais un petit peu de communication, c'était pas du tout des choses que vous aviez abordées Donc, au conservatoire? Oui. Pas du tout. Non, pas du tout. On est vraiment, on était purement sur l'artistique, en fait, le jeu, tout ce qui fait le comédien. Un peu l'impression d'être une, enfin, pas l'impression, mais un peu comme si une façade de star, en fait. On arrive, on a pris notre texte, on joue, on retravaille et on repart. Et il n'y a pas tout, tout ce qu'il y a à côté qui peut être très embêtant, mais qui est nécessaire en fait pour pouvoir faire vivre les créations et pour pouvoir vivre soi-même en fait. Et ça, c'est des choses que j'avais pas du tout expérimenté, tout ce qui était communication, diffusion. Ça, je ne savais pas du tout de quoi il en retournait. Parce que tu as oui, non, vas-y, oui. Vas-y. Non, c'est bon, j'avais fini, oui. Parce que du coup, tu as des camarades comme ça, du coup, qui se sont lancés dans le théâtre ou peut-être le cinéma ou la télé, qui justement, en fait, ne gèrent pas du tout peut-être ce genre de choses, en fait, qui ont des managers, des gens tout autour pour faire un peu ce genre de choses, peut-être. Moi, je connais pas de personne en particulier, comédien ou même dans le spectacle vivant, qui aurait en fait qui aurait les moyens de d'avoir une personne qui prendrait en charge complètement cette partie-là, que ce soit des agents ou quoi que ce soit. Après, effectivement, pour le domaine du cinéma, oui, j'ai des amis qui ont déjà des projets, qui les ont lancés, qui ont des petites séries qui se font sur Internet, etc. Mais voilà, après, pas vraiment conscience ou qui ont fait la démarche en tout cas d'aller vers les partenaires, vers les soutiens financiers, etc. Toutes les méthodes qu'il y a pour pouvoir rendre visible la création à un plus grand nombre en fait. Alors pourquoi tu as choisi le spectacle vivant en particulier ? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Tu veux dire plutôt que l'audiovisuel pour jouer ? Oui, par exemple. Ouais. Je m'interdis pas de jouer dans des productions audiovisuelles. Mais il y a une aventure, il y a un côté beaucoup plus humain dans le spectacle vivant que je trouve. Auquel je me trouve beaucoup plus proche, quoi. C'est vraiment une aventure humaine. Alors, au même titre que le cinéma, un tournage pourrait être une aventure humaine, mais là, il y a également la confrontation avec le public qui est devant nous, et que le spectacle, du coup, ne dépend pas que de ce qu'on a travaillé, que de ce qu'on a créé. Quand on arrive à un public, il sera forcément différent de celui qu'on avait eu la veille ou celui qu'on aura dans 3 semaines. Et c'est ce que je trouve très intéressant. Et que, eh ben, tout ce qu'on a travaillé, toute notre démarche, et ben se trouve d'un coup confronté directement au regard du spectateur. Et c'est là qu'on peut voir comment il réagit, si c'est plutôt mal, s'il s'ennuie, s'il s'amuse, si ça l'émeut, etc. Je trouve très intéressant le contact humain, en fait, dans le spectacle vivant. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites, donc, au plateau ivre, vraiment voir les gens après le spectacle ? Oui, complètement. Complètement. Et puis les gens n'ont pas forcément dans le réflexe de partir dès qu'ils ont vu un spectacle, généralement. D'autant plus si c'est un spectacle qui les a touchés. Mais il y a toujours un temps où c'est fini, on salue, et après on va à la rencontre des gens. C'est l'intérêt de pouvoir jouer du spectacle devant des personnes. Et après, le cadre du plateau ivre accueille ça très facilement. Le théâtre au coin du feu, comme on va chez l'habitant, il y a toujours un moment de partage après chez lui qui est fait et avec les personnes qui sont venues. Le théâtre de Verdure, c'est un lieu où les gens viennent aussi parce qu'il y a forcément une programmation théâtrale, mais pour le lieu et parce qu'ils ont envie de rester sur le lieu, et du coup ça implique d'aller qu'ils viennent vers vous ou qu'on aille les voir et de débattre autour des sujets qui impliquaient la création qu'ils ont vu, le spectacle qu'ils ont vu. Et est-ce que c'est quelque chose qui t'a intéressé, justement, la mobilité du plateau ivre, le fait de jouer dans le théâtre d'ouverture, après d'aller chez les gens, d'aller un petit peu comme ça, de bouger, en fait, comme peut-être d'autres compagnies le feraient ou ne le feraient pas, en fait? Alors moi, j'avais eu une première expérience au plateau ivre parce qu'on avait joué une pièce, le monologue, on l'avait joué au théâtre d'ouverture, donc j'avais déjà connu cet espace de travail. Et j'avais participé à un équinoxe aussi avec beaucoup de monde. Et c'est justement cette pluralité de des choses et de manière d'aborder le spectacle qui m'avait beaucoup intéressé. Et c'est plus tard que j'ai appris effectivement la naissance de théâtre au coin du feu. Et ça m'a beaucoup séduit effectivement dans le principe même que les gens ne vont pas avoir, vont voir un spectacle, évidemment, mais que le spectacle vienne à eux, en fait, que le théâtre vienne chez eux. Et c'est quelque chose que je trouve tout à fait intéressant, surtout qu'il y a des questions qui se posent aujourd'hui de comment attirer l'intérêt des personnes vers le théâtre encore, vers le spectacle vivant. Et je trouvais que c'était une démarche très intéressante, justement, à ce niveau-là. Et donc c'est quelque chose peut-être que tu reproduiras dans tes futurs projets, de rester justement mobile comme ça ? Je pense, oui, je pense. Et en tout cas, avoir ces questionnements-là, ça c'est clair. Je ne sais pas si je referai exactement la même chose parce que je ne sais pas ce qui se passera, évidemment, mais en tout cas, des questionnements pour justement comment aller vers les gens pour qu'ils leur donner goût pour aller au théâtre, quoi. À des personnes qui ne sont pas sensibles à cette forme-là. Et c'est vrai que c'est une partie de solution et ça demanderait d'en chercher d'autres. Ça implique ça motive à en chercher d'autres, en tout cas. Ok, alors je te propose tout de suite peut-être une petite pause musicale. Très bien. Et on se retrouve tout de suite après dans le Portrait civique. I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I like standing still, but that's just a wishful plan. Ask me where I come from, I'll say a different land. But I've got memories and travel like gypsies in the night. I count gates and numbers, then play the guessing game. It's just the place that changes, the rest is still the same. But I've got memories and travel like gypsies in the night. And a thousand times I've seen this road, a thousand times. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, I've got no roots. I like digging holes, hiding things inside them. When I grow old, I won't forget to find them. I like digging holes, hiding things inside them. When I grow old, I won't forget to find them. I've got no roots. Vous êtes toujours sur Radio Guémozo. Vous venez d'entendre Alice Merton, No Roots, et on est dans Portrait Civique avec Sébastien Poirot, donc un service civique au plateau Ivre. Alors Sébastien, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, est-ce que tu as dit que tu avais fait ton école à Nancy, est-ce que tu viens de Lorraine et plus particulièrement des Vosges ? Alors, je suis originaire des Vosges à la base, oui, de la plaine. Je suis né à Épinal à la base, et j'ai fait mes études après. Enfin, j'ai fait mon lycée à Mirecourt, déjà en option théâtre, et après, seulement après, j'ai rejoint Nancy, oui. Alors, pourquoi tu as voulu, pour ton service civique, revenir dans les Vosges ? Mais c'était pas dans les Vosges en particulièrement, c'était surtout pour la compagnie, en fait. C'est la compagnie en tant que telle qui m'intéressait et ce qui proposait le territoire en tant que tel, au-delà que ce soit un très beau territoire, c'est vraiment le fond de ce que proposait la compagnie et ainsi que la forme qui m'attirait. Comment tu as choisi un petit peu de faire un service civique ? Déjà, comment tu as entendu parler en fait du service civique ? C'est eux qui m'ont proposé cette forme-là. Alors je savais que ça existait, et ils m'ont proposé de me prendre dans le cadre du service civique, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est... c'est une formule qui reste très très intéressante pour la structure qui m'accueille évidemment, mais aussi pour moi, car ça permettra de faire des formations dans d'autres choses que je n'ai pas encore vues pour ce qui est de la médiation culturelle et même en tant que formation artistique en tant que telle. C'est-à-dire que si le plateau Ivre ne t'avait pas proposé de mission, tu n'aurais pas forcément cherché un service civique. C'est ça, voilà, c'est ça. Ils m'en ont parlé et j'ai trouvé ça très très très très bien. Donc voilà. Mais sinon, non, je n'étais pas forcément moi-même à la recherche d'un service civique à ce moment-là. Voilà. Et quand la compagnie justement t'a parlé de ça, tu t'es peut-être pas dit tiens, je vais regarder sur le site, regarder s'il y a d'autres compagnies de théâtre qui proposent ça, voir un petit peu ce qu'il y a d'autre comme offre. Non. En fait, j'avais. Avant de m'engager au service civique, j'avais déjà, l'année dernière, été bénévole au Théâtre de Verdun, en fait, pour être en soutien, et j'avais filé... j'avais été bénévole pour tout ce qui est l'organisation, effectivement, du lieu, etc., mais j'avais aussi été en observation sur des stages de théâtre qu'ils faisaient, et participé en tant que stagiaire moi-même aux stages adultes qu'ils proposaient. Justement pour voir si effectivement ce qu'il proposait m'irait, et j'ai trouvé des choses très intéressantes et des personnes avec qui j'aimerais beaucoup travailler dans l'année. Voilà. Donc je ne me suis pas posé la question de savoir si j'allais chercher ailleurs. J'avais que cette compagnie-là répondrait déjà à mes attentes. Et donc c'était un terrain un peu connu du coup. Est-ce que tu penses que tu aurais accepté si ça avait été une compagnie que tu connaissais pas du tout ? Tout dépend de ce qu'offrait la compagnie. Je ne sais pas, je pourrais pas dire. Je pense que c'est au niveau de la sensibilité, déjà d'une part humaine avec les personnes, et puis encore une fois, par rapport à leur état d'esprit au milieu du théâtre et leur manière de voir le théâtre. Si ça m'aurait parlé et qu'une autre compagnie m'aurait proposé plutôt que le plateau Ivre, peut-être, en tout cas. Et il s'est avéré que ça a été le plateau Ivre et que je m'y retrouve largement dans ce que je cherchais. Alors, par rapport à la mission service civique, est-ce que tu avais vraiment, donc ça fait quand même depuis septembre que tu y es, est-ce que tu avais des objectifs clairs et comment ça se passe par rapport, on est quand même en février, du coup, est-ce que ça a un petit peu évolué, tes axes, entre guillemets, est-ce que tu as des idées d'autres projets, comment ça se passe un petit peu par rapport à la mission qui t'était confiée depuis le début ? Alors ma mission, comme je dis, ma mission c'est soutien, voilà, c'est de soutenir les projets, donc ce qui me fait participer à l'ensemble de ceux-ci. Et en fait, c'est des petites missions qui sont durées durant toute l'année, ce qui me permet d'avoir un panel de charges à faire qui sont très intéressantes et très différentes en fait l'une d'elles. J'avais commencé, comme j'ai dit, à faire des ateliers théâtre et aussi à faire de la diffusion, qui sont des choses complètement différentes, mais la diffusion, on a un objectif à long terme, et l'atelier théâtre aussi, c'est à long terme, sur une année, voilà, il faut arriver à trouver une forme et à mener les élèves vers quelque chose qui pourrait être intéressant et les ferait progresser aussi. Là où je pense que ça m'a fait évoluer, c'est dans la manière moi-même de voir mes propres projets. au sein de la compagnie Logos, mais aussi mes projets de plus tard, moi, ça a changé complètement ma vision de comment s'organise l'univers du spectacle vivant, en fait, et l'univers artistique. C'est surtout au niveau de l'organisation et tout ce que ça implique d'engagement, d'énergie et de volonté, en fait. Et je pense que c'est surtout ce que j'ai appris jusqu'ici pour ce service civique. Et comment ça se passe au niveau... tu as beaucoup de liberté? Est-ce que, par exemple, si tu veux prendre des initiatives, c'est bien accueilli? Il n'y a pas de souci là-dessus pour faire de nouvelles c'est choses? C'est très, très ouvert, oui. Là, j'essaye déjà de suivre ce qui est créé, en fait, parce que c'est déjà un boulot en tant que tel. Mais à l'intérieur de ça, on est en préparation sur l'équinoxe, donc on a déjà fait des rencontres entre nous au niveau artistique et au niveau des idées. Et là, il y a une liberté de parole, en fait, sur ce qu'il y a à proposer, que je trouve très bien. Et surtout, j'ai une confiance très forte du plateau ivre par rapport à mon travail. Voilà, la mission, elle m'est donnée. Il y a un suivi. On se tient au courant de comment ça avance l'un de côté, l'autre. Mais voilà, il y a une réelle confiance qui existe et il y a une ouverture en fait chez eux. Il y a une ouverture et je pense qu'ils acceptent quand ils m'ont pris en service civique, c'était aussi dans l'idée d'apporter une nouvelle chose et un nouveau regard au sein de la compagnie. Alors parle-nous un petit peu des ateliers avec les enfants, c'était quelque chose que tu avais déjà fait un petit peu avant ? J'avais déjà fait près de Nancy, effectivement, les ateliers enfants, qui est un exercice assez délicat à prendre en charge, parce que tout dépend de la tranche d'âge, évidemment. Là, on en a qui vont de 7 jusqu'à... je dirais 15 ans, voilà, à peu près, dans une large panel, c'est délicat à prendre en charge, à faire comprendre, déjà dans un premier temps, l'équilibre qu'il y a, qu'on fait du théâtre parce qu'on a envie de faire du théâtre, parce qu'on a envie de se faire plaisir et découvrir de nouvelles choses, mais c'est aussi... Ah, allô ? Ah, on a un petit... Oui ? Ah, oui, c'est bon, vous m'entendez ? Oui, j'entends. Vous m'entendez aussi ? Oui, je sais pas. La phrase a été coupée. Alors, ok, je vais reprendre. Il y a un équilibre à trouver entre justement on est au théâtre, on a envie de s'amuser, on a envie de découvrir d'autres choses, et c'est un moment de partage et de bonheur à faire. Mais c'est aussi un atelier, donc ça implique du travail, effectivement. Et ça, c'est un équilibre qu'il faut mettre dans l'esprit des enfants, qui est assez délicat. Et puis trouver aussi des textes ou peut-être des improvisations, des idées, des thématiques qui peuvent leur parler. Et ce qui est intéressant avec les ateliers enfants et les cours qu'on peut donner aux enfants, c'est que ça nous apprend à un peu casser toutes les idées préconçues et toutes nos idées qu'on a du théâtre personnellement et tout ce qu'on a pu traverser en tant que vraiment au conservatoire, la formation de comédien qu'on a, l'apprentissage des textes, le respect de la langue, etc. Et ça nous confronte aussi à notre manière de... Ok, peut-être j'ai compris ça, peut-être que je commence à comprendre ça et à le faire, mais comment je peux l'envoyer aux autres et le faire comprendre aux autres, et est-ce que ce sera reçu par tout le monde de la même manière? Et évidemment que non. Et c'est ce que je trouve très intéressant avec les ateliers enfants. Ça, c'est peut-être pas forcément quelque chose que tu avais appris à l'école, c'était peut-être plus du théâtre pour adultes, entre guillemets, que tu avais vu? Au conservatoire, c'est oui, bien sûr, c'est pas du tout quelque chose que j'ai appris. Ça, c'est des choses qui s'apprennent en le faisant sur le terrain, de toute façon. On nous apprend pas à enseigner le théâtre parce qu'on n'est pas là pour devenir enseignant de théâtre. On suit une formation pour être comédien. Ce que je veux dire, tu avais peut-être fait des pièces qui sont peut-être plus destinées à une tranche d'âge peut-être un peu plus petite. Je sais qu'il y a des compagnies de théâtre spécialisées dans les enfants. Tu vois, par exemple, des contes musicaux, une forme un petit peu de comédie, mais plus jeunesse. Accès au grand public, familial, oui. En tout cas. Oui. Moi, j'en avais pas trop fait jusque-là. Le monologue qu'on avait fait avec notre compagnie, c'était un monologue assez violent autour d'un jeune lycéen qui avait commis un attentat dans ce lycée suite aux souffrances qu'il avait vécues, donc pas d'accord. Vraiment familial du tout, voilà. Donc non, j'en avais jamais trop fait. J'en refais avec Casse Départ du plateau ivre, mais c'est vrai que personnellement, non, j'étais plutôt vers des textes beaucoup plus, pour un public plus adulte, plus mature, qui parle de choses vraiment dures, ou alors de choses qui demandent une certaine maturité dans la réflexion, en tout cas. Et c'est pour ça que la confrontation aux enfants ne permet pas ça. Ouais, il faut partir sur un autre terrain et du coup soi-même découvrir d'autres choses, en fait, tout simplement. Ils ont quel âge, les enfants du théâtre de Verdure, dans les animations que vous faites ? Là, à l'atelier de théâtre, je disais, ça va de 6-7 ans jusqu'à 14-15, ouais, un truc comme ça. J'ai plus exactement les âges en tête, mais c'est dans cette tranche d'âge, voilà. Donc on a un panel assez large aussi à l'intérieur de ça. Oui, parce que j'imagine les ateliers sont pas forcément les mêmes selon s'ils ont 6 ans ou 14 ans. Oui, bien sûr. Mais là, après, ce qui est très bien aussi dans un atelier de théâtre, et ce que j'ai toujours retrouvé, et c'est pour ça peut-être que j'arrive plus vraiment à vous dire précisément de quel âge à quel âge ça va, parce que ça fait une cohésion de groupe complète, et on oublie qui serait plus petit qu'un autre, qui serait plus grand. Ils ont tous quelque chose à offrir, qui sont peut-être un peu propres à leur âge, à leur maturité, mais qui sont propres à eux-mêmes, en fait, surtout. Et du coup, on en vient à dire, 6 ans, 14, on s'en moque, parce que ça donne des scènes, quoi qu'il arrive, et ça donne des propositions qui sont bien souvent intéressantes, de toute façon. Ils sont toujours réceptifs à ce genre d'atelier ? Ça va. Après, la vraie... Non, mais en fait, c'est un travail qui se fait aussi bien de leur côté que du nôtre. Parce qu'on essaye des trucs en début d'année, et par rapport à ce qu'ils reçoivent, là où ils sont plus sensibles, etc., nous, nos cours ne sont pas écrits pour toutes les séances à l'année. C'est ça que je veux dire. On prépare généralement 2 semaines avant, mais voilà, mais on suit un peu le cours de ce qu'ils offrent, ce dont ils sont réceptifs, ce dont ils sont sensibles, etc., et on réécrit ça. Du coup, c'est vraiment un travail qui se fait en communication des deux côtés, quelque part. Et du coup, c'est toujours en évolution, en fait, selon comment le public a réagi, vous réadaptez les prochains ateliers, en fait, c'est ça ? C'est toujours ça. Mais pas le public, vraiment le... Enfin, le public. Dans l'atelier, oui. Voilà, oui. Oui, donc c'est ça. On réadapte, en fait. Là, on en est à un moment de l'année où on prépare une structure pour présenter quelque chose à la fin de l'année, évidemment, mais qu'à partir de ce que eux ont proposé... ce qu'on a proposé qui n'a pas marché, donc on a proposé d'autres choses, ils nous ont confrontés à ça, etc. Et il y a un moment, il y a une structure, une ligne directive qui se met en forme et qui, si tout va bien, à la fin de l'année, convient aussi bien à nous qu'aux élèves en eux-mêmes. Est-ce que c'est des partenariats avec des écoles ou, je ne sais pas, peut-être des MJC, des choses comme ça ? Là, c'est vraiment un stage que propose le plateau Ivremen. Voilà. Après, on intervient dans des nappes aussi. Là, on intervenait aux nappes du Toli pendant 6 semaines, à raison d'une heure par semaine. Je sais que Morgane de Mans et Hélène Tisserand interviennent également au collège de Vanier. Donc voilà, il y a aussi des interventions à l'intérieur des structures, des écoles même. Mais ça, les ateliers dont moi je m'occupe, c'est clairement... sous la structure du plateau. Et alors du coup, toi, quand tu étais enfant, tu faisais aussi du théâtre ? À quel âge à peu près tu t'y es mis ? Oh, j'en ai fait. je veux que je me souvienne. J'en ai déjà fait très petit. Ça commençait par des scènes en colonie de vacances où on avait le plaisir de monter quelque chose et de présenter ça et qui nous amusait énormément avec des déguisements faits avec 3 bouts de ficelle et tout. Et c'est vrai que très tôt, j'avais rejoint la compagnie Les Jolis Mômes à Épinal, j'avais participé à des ateliers de théâtre au centre Léo Lagrange à Épinal également, et au collège et au lycée, j'avais participé au théâtre. En fait, ça m'a suivi tout le long de ma scolarité, en fait, le théâtre. Et je l'ai pris en option lourde au bac. Et si j'ai été à Nancy après pour faire mes études, c'était avant tout pour rejoindre le conservatoire de théâtre. Alors après, on m'a poussé à faire la fac parce qu'il fallait bien avoir des études entre guillemets plus solides et plus sérieuses à côté, ce dont j'ai rapidement laissé tomber parce que j'allais pas m'engouffrer dans quelque chose qui ne m'attirait pas. Et voilà, c'est comme ça que j'en suis revenu à rester au conservatoire et à m'impliquer entièrement à ces études-là. D'accord, c'est un beau parcours quand même. Et 5 ans, oui, c'est, 5 ans c'est obligatoire ou on peut s'arrêter, faire le nombre d'années qu'on veut au conservatoire ? Alors il y a 4 ans dans le cycle initial, qui est ouvert à tout le monde, il y a un concours d'entrée au début, mais voilà, c'est un cycle initial qui est en 4 ans, sachant que la dernière année on peut la faire en 2 fois. Selon j'avais fait moi, du coup, c'est pour ça que j'ai fait 5 ans. Et il y a un cycle professionnel qui s'appelle le diplôme d'études théâtrales, DET, où là, ça se fait sur concours aussi, avec un jury externe qui vient, et c'est sur 2 ans avec un programme beaucoup plus approfondi. Ça, j'avais fait le concours, je l'avais raté malheureusement, parce que j'avais encore pas mal de problèmes de jeu à régler, et que le choix du texte n'était pas non plus judicieux. Mais voilà, ça m'a permis de me remettre 2 ans sur mes 2 dernières années, en dernier cycle du coup, et de me concentrer non seulement sur le travail de scène, d'improvisation, mais aussi il y a un projet individuel à présenter à la fin en tant que porteur de projet, donc metteur en scène. Voilà. Alors, pour revenir un petit peu au service civique, est-ce que tu peux nous décrire une journée type de comment ça se passe ton quotidien, quand tu arrives, qu'est-ce qui se passe, voilà pour Alors, un petit peu... Une journée type. Généralement, on arrive dans les Vosges, donc à Vanier, ou Gérard May, on se retrouve toute l'équipe. C'est-à-dire moi, Morgane Demand, Hélène Tisserand, Pierre-Marie Paturel, Annabelle Valentin aussi qui est chargée de communication. Voilà, on fait une réunion d'équipe, savoir où on en est, qu'est-ce qu'on peut faire, quels sont les prochains projets et quelles sont les prochaines choses à faire plus ou moins urgentes. Et à la fin, le but est de repartir avec chacun une mission précise à faire, etc. Une ou plusieurs d'ailleurs. Voilà. Et une fois que ça en marche, ça, on essaye de le faire en début de semaine. Et une fois que ça c'est en marche, eh ben on se met au travail. Après, il n'y a pas vraiment de journée type, puisque vous l'avez compris, tous les projets sont assez différents au final. Donc, qui engrangent certaines choses. Mais voilà, ça nous fait passer dans une journée d'une réunion. Après, on a des ateliers théâtre à faire. Après, on se concentre sur les différents mails à envoyer, sur les différents gens à appeler, les différentes réflexions artistiques qu'il y a à faire autour d'un projet à venir, etc. Tu fais beaucoup de travail en groupe ? On fait toujours travail en groupe, oui, que ce soit avec toute l'équipe, et je travaille surtout en binôme avec Morgane Demand aussi, auquel que je connais depuis un moment, et on habite Nancy tous les deux, et on fait, voilà, il y a une question pratique qui est là-dedans, évidemment, mais il y a aussi... Un travail de binôme qui fonctionne très très bien entre nous, et voilà. Du coup, ça marche plutôt bien. Même très très bien, en fait. Alors, je te propose une très courte pause musicale et on se retrouve tout de suite après. Ouais, pas de soucis. Plus. Je suis plus pensif qu'expansif, moins bobo que baba, plus sensible qu'excentrique, moins roco que roca, moins statique qu'extatique, plus mystérieux qu'ésotérique, moins chaise que guitare électrique, plus sérieux qu'hystérique, plus actuc qu'oléoduc, moins avenue que sombre ruelle, plus sandwich que toilette turque, moins candide que pantagruelle. Plus ou moins, plus ou moins, plus ou moins, plus ou moins, plus ou moins, plus ou moins, plus ou moins, plus ou moins, plus ou moins. Je suis plus South Park que Simpson, moins Shane Paul que Nina Simone, plus Dragon Ball que Pokémon, moins Outcast que Raekwon, moins éolienne que Moulin, plus prix Nobel que Mondain, moins Théo Miel que Bonvin, plus Thieboudienne que Boudin, moins basse nasal que basse nasale, plus que Nicotis Gun que l'arme fatale, plus sincère que Jaloux, moins dispensaire que Salou, plus Chaours que Chabou, moins Mickey Mouse que Balou. C'était Hip Expo comme fou, plus ou moins, dans l'émission Portrait Civique. Alors, on est toujours avec Sébastien Poirot de la compagnie Le Plateau Ivre. Alors, du très coup... bon choix de musique, déjà, je tiens à le signaler. Voilà, c'est pas tous les jours que j'entends Expo comme fou à la radio, donc ça fait plaisir. Et ben voilà, à Radio Guémozo, on ne se bride pas, on passe toutes les musiques qu'on veut. Pas forcément les plus connues et les plus diffusées sur les autres radios, mais voilà. C'est l'intérêt, c'est très bien. Alors, tu nous parlais un petit peu de tes journées type. Alors, moi, je me demandais, alors à la louche, hein, comme ça, comment, combien de pourcentage tu mettrais par rapport aux différentes missions ? Par rapport, je ne sais pas, les animations, ça te prend 50% de ton temps ou plutôt, je ne sais pas, 30%, 30% de comédiens comment tu mettrais un petit peu tout ça ? Je vais essayer de calculer, j'ai toujours été très mauvais en statistiques, mais je vais essayer de calculer. Ça dépend des périodes, mais je vais pour parler de la période en ce moment où je fais l'émission. On va dire que on est sur du 30% d'atelier, légèrement plus avec toutes les préparations qu'il y a et de les faire. On est sur 30% d'autres pour le jeu et la mise en scène autour de case départ, etc. Et il nous reste, tout le reste des pourcentages pour tout ce qui est administration, gestion de mail, appel et organisation des prochains événements, à peu près, pour donner une fourchette un peu large. Et sinon, au niveau de l'équipe, il y a beaucoup de monde dans cette association, dans cette compagnie ? Il y a pas mal de monde avec le bureau, avec tout ce qui compose le bureau. Après, nous sommes dans l'équipe vraiment à se réunir, à réfléchir et tout. On est 5, voilà, vraiment actifs au niveau artistique dans chaque réunion qu'on fait. Est-ce que tu Donc il y a Hélène Tisserand, Pierre-Marie Paturel qui sont les cofondateurs, Annabelle Valentin qui est chargée de communication, Morgane Demand qui a rejoint l'équipe il y a 2 ans, qui était soutien au projet aussi à l'époque et maintenant assiste un peu dans tous les projets, et moi-même qui suis en service civique. Voilà. Et justement, tu rencontres un peu d'autres jeunes, alors je ne sais pas, peut-être dans la compagnie ou dans d'autres compagnies, voire jeunes en service civique dans d'autres compagnies ? J'ai pas eu l'occasion d'en rencontrer encore. Non, des jeunes en service civique. Non. D'accord. Non. Je suis un peu tout seul dans ma bulle de contact. Mais voilà. Tu rencontres quand même un peu d'autres compagnies dans les Vosges, dans l'Oral. Oui, je rencontre d'autres compagnies, oui, bien sûr. Oui, ça nous est arrivé d'en rencontrer d'autres, de travailler avec d'autres, évidemment, par le plateau Ivre, mais aussi parce qu'on fait à Nancy. Hein, mais voilà, j'ai croisé personne dans le service civique pour l'instant. Et par rapport au service civique, est-ce que tu recommanderais ce format de service civique, et surtout, est-ce que tu le recommanderais dans une compagnie ? Complètement. Je ne veux pas m'avancer sur les autres domaines professionnels parce que je ne m'y connais pas, tout simplement. Pour mon cas, quelqu'un qui sort d'études, qui veut s'intégrer dans le milieu du spectacle, un service civique dans une compagnie, si on prend l'exemple du Plateau Ivre, qui est implanté depuis un bon nombre d'années maintenant, qui a une certaine histoire et surtout beaucoup, beaucoup de projets à proposer, c'est juste une occasion en or, quoi. C'est une occasion en or de vraiment connaître vers quoi on va, quoi. Et pour quelqu'un qui n'a jamais fait de théâtre de sa vie ? Eh ben, c'est aussi... alors là, je dirais que c'est une excellente chose pour lui et aussi pour la compagnie qui va l'accueillir. Parce que celui qui n'a jamais fait de théâtre, peut-être peut s'occuper d'autre chose. Il y a tellement de choses à faire au sein d'une structure, d'une compagnie de théâtre, que je pense qu'il peut trouver quelque chose et amener un regard nouveau vers... Peut-être un élément qui n'est pas forcément artistique, qui concerne autre chose, mais un regard nouveau qui peut être aussi intéressant et constructif pour la compagnie en tant que telle. Parce que... Oui ? Oui, c'est bon. Parce que du coup, toi, tu es comédien, mais est-ce que on pourrait très bien être amateur et venir à la compagnie et décider comme ça de débuter le théâtre avec la compagnie ? C'est une excellente question. C'est une excellente question auquel je ne peux pas avancer de réponse. Là, j'en sais rien. Mais c'est vrai qu'ils m'ont plus. Je pense que ils ont voulu me porter aussi parce que mon projet de vie est d'être comédien professionnel. Clairement. Est-ce que tu sais s'il y a eu d'autres services civiques avant toi ? Oui, il y en a eu. Bah, Morgane Demand, maintenant qui est. qui est en emploi aidé maintenant, était service civique l'année dernière. Voilà. Et elle était aussi déjà dans le milieu du théâtre, j'imagine. Elle a fait ses études au Conservatoire de Nancy. On a à peu près le même parcours, en fait, tout simplement. Sauf qu'elle, la différence, c'est qu'elle connaît le plateau Yves depuis beaucoup, beaucoup plus longtemps que moi. Elle avait déjà fait des ateliers, des stages quand elle était enfant chez eux et qu'elle habite à Gérardmer, en fait, dans les coins de Gérardmer. Voilà. Et est-ce que tu sais s'il y aura un service civique après toi ? Une autre mission ? Oui, le plateau Ivre recherche un autre service civique. Pas forcément après moi, mais aussi qui peut soutenir aussi à d'autres choses, notamment pour le théâtre de Verdure. Je sais qu'il cherchait quelqu'un. Voilà. Je pense que c'est une expérience qui l'aura aussi beaucoup apporté. Est-ce que tu sais si ça sera ouvert quand ? Peut-être s'il y a des auditeurs qui nous intéressent et qui voudraient donc postuler à cette mission. Quand est-ce que ça sera ouvert, ce service civique ? Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'ils sont actuellement en train de rechercher. Voilà. On peut déjà téléphoner au plateau Ivre et se proposer. Oui, on peut. Oui. D'accord, c'est parfait. J'espère qu'il y a des gens intéressés qui nous écouteront. J'espère aussi. Et alors ils sont actuellement en recherche. Oui. Et alors, juste un petit peu pour finir sur le service civique. Alors, toi, tu nous as dit que ça t'a apporté beaucoup de choses. Et au-delà de ton côté professionnel, le service civique, ça propose aussi des petites formations, comme le PSC1 et une autre formation obligatoire. Est-ce que tu les as déjà faites ? Et surtout, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que ça t'a apporté un petit plus quand même ? Alors, ça reste important, surtout pour le PSC1, en fait, tout simplement. Moi, je ne les ferai pas et je ne les ai pas faites, tout simplement parce que j'ai été sapeur-pompier volontaire pendant un temps et que du coup, ces formations de secourisme, je les ai déjà en beaucoup plus approfondies. Mais après, pour quelqu'un qui n'a jamais fait ça, effectivement, c'est des choses qui sont au-delà de la formation, professionnelle vers quoi tend la personne en service civique et qui offre des choses qui sont beaucoup plus importantes dans la vie quotidienne, en fait, effectivement. Donc je suis complètement d'accord, garder cette formule-là. Alors, du coup, après ton service civique, est-ce que tu penses que tu resteras un petit peu au plateau Ivre en tant que, je ne sais pas, peut-être organisateur ou même juste comédien ? Moi, j'aimerais beaucoup. ça dépend d'eux, évidemment, savoir si voilà l'avenir avec moi aussi. Mais moi, j'aimerais beaucoup, oui, effectivement, continuer à parcourir ça, parce que c'est des choses, effectivement, j'avais parlé sur un an, on voit énormément de choses, mais il y a aussi des projets et des idées qui se font sur beaucoup plus de temps que ça, et juste voir vraiment toute la construction dans l'ensemble. Mais oui, c'est des personnes avec qui j'aime beaucoup travailler, qui sont très, très intéressantes, et ça me ferait plaisir de continuer l'aventure avec eux. Alors, moi, j'avais un petit peu le tour des questions. Sébastien, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose sur toi, le service civique ou sur le plateau Ivre. Je pense qu'on a déjà parlé de pas mal de choses. Je ne vois pas, non. Alors, peut-être une petite dernière chose. Qu'est-ce que tu dirais à des gens qui seraient intéressés par le service civique ? De bien se renseigner sur ce que propose effectivement la structure qui veulent le prendre en service civique. Comme je l'ai dit, si c'est un comédien qui cherche un service civique dans une compagnie de théâtre et que ça lui parle, il fonce, évidemment. Et de toute manière, si ça lui convient et qu'il voit un intérêt, pas forcément dans ce qu'il sait déjà faire, mais d'apprendre vraiment ce que c'est la réalité de terrain, de travailler dans une entreprise ou une structure, qu'il fonce entièrement, évidemment. Je pense que c'est une formule qui mérite d'encore exister, et en plus de tremplin professionnel que ça peut apporter, amène une formation beaucoup plus pas forcément intéressante, mais constructive, je pense, que rester dans ce qu'on a appris à l'école. Voilà. Ok, merci beaucoup, Sébastien. Merci à vous, en tout cas, pour cette émission, et puis de m'avoir invité. De rien, faut revenir quand vous voulez. Le plateau Ivre est toujours bienvenu à Radio Guimauzo. On n'y manquera pas, je pense. Voilà. Merci. Merci, bonne journée à vous. Alors, sur Radio Guimauzo, vous pourrez retrouver Portrait Civique demain en rediffusion à 11h. Sinon, vous pourrez réécouter donc l'émission sur radioguimauzo.eu. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine, mercredi à 14h, pour un nouveau portrait de jeunes en service civique. À bientôt sur Radio Guimauzo.